بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter ملخص الفقه باب الصيام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Le résumé de la jurisprudence chapitre du siyam par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Expliqué et commenté par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, hafizahullahu ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit en profit pour l'islam et les musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a atharahum wa iktafa. Amma ba'da, fi nasdaq al-hadithi kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله نبدأ dans l'avant-dernier درس si possible de chapitre le siyam de ملخص الفقه للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Et on a pu voir dans le cours dernier les choses qui annulaient le siyam. Parmi les causes qui annulent le siyam, on avait pu voir et plutôt la suite. On l'avait fait en deux parties. On a pu voir que toute chose qui entrait et qui aboutissait au ventre, que ce soit par la voie orale ou bien la voie nasale, et parmi les choses dont tu ne peux, ou parmi les choses que tu peux éviter, ça annule ton siyam. Ça annule le siyam. On avait pu voir pour cela où il y a des choses qui ont été évoquées comme qui ne sont pas forcément des causes qui annulent le siyam, comme c'est le cas de prendre une perfusion. Une perfusion, on a pu voir que ça c'est une chose qui annule le siyam parce que c'est nutritionnel. Tout ce qui est nutritionnel, que ce soit par la voie des veines ou bien une piqûre et tout ça, donc tout ça ça annule le siyam. Pourquoi? Parce que c'est nutritionnel. Et ça prend l'emplacement du ta'am. C'est comme si jamais tu étais en train de te nourrir. Lakin, si jamais tu le fais pour une raison valable, Inch'Allah, tu rattrapes un autre jour. Et tu es excusé par rapport à cela. Et toutes les choses qui ne sont pas nutritionnelles, on a pu voir que ça, c'est mieux d'éviter si on peut. Parce que c'est un liquide. Donc, c'est possible que peut-être, Yanni, il atteint et il descend dans ton ventre. Rien ne nous prouve cela. Lakin, kama qala shir, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Donc c'est mieux d'éviter les choses qui posent un doute. Et celui qui le fait, Inch'Allah, on ne peut pas juger de son siyam qu'il est annulé, parce que on n'a aucune preuve qui nous prouve cela. Et comme c'est ma'ruf al-qa'ada, man dakhala fi ibada bi yaqin la yakhruj minha illa bi yaqin. Celui qui rentre dans une ibada par conviction, il a validé l'entrée par une conviction, il ne peut en sortir que par une conviction. Donc là, c'est un doute. Le doute, il ne peut pas être prévalu sur la conviction. Et qu'il c'est mieux qu'il retarde cela après à l'iftar. C'est mieux. On a pu voir qu'à les cas que tout ce qui sort du corps, comme le sang, il voit que ça annule le siyam lakin, comme on a pu le voir. Ils ont pris pour cela le hijama. Lakin, le hadith qui est survenu sur cela, le hadith dans le hijama, il est abrogé. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà fait le hijama quand il était en état de il était muharim, en état de sacralisation, comme ils disent, et qu'à l'écart lorsqu'il était jeûneur. Donc ceci nous prouve que c'est tout à fait possible. Lakin kama qala al-imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala, c'est détestable pour celui qui a peur que si jamais on lui fait le hijama, ça va aboutir à ce que son siyam il devienne lourd pour lui, comme c'est le cas pour celui qui jeûne en état de voyage. Il peut jeûner, lakin si jamais ça aboutit à ce qu'il s'affiche sur lui-même des difficultés, c'est détestable pour lui. Donc tout ce qui est lorsque tu fais un don pour ton sang ou tout ce qui est ces choses-là, ça n'annule pas ton siyam, ça n'annule pas le siyam. Ils ont pris pour cela, ils ont fait un qiyas, ils ont rejoint tout cela, yani avec quoi? Avec le hijam. Laquelle hijam, comme on peut le voir, c'est pas une cause qui annule le siyam. Donc lui, il a dit, yuftir, laquelle sahih, c'est ça n'annule pas le siyam. Hatta qala ibn Abbas, al-fitr laysa mimma kharaja, lakin al-fitr fima dakhal. Il dit, les choses qui annulent ton siyam, c'est les choses qui rentrent dans ton corps, et non pas les choses qui en sortent. Le fait de se faire vomir, on a pu le voir kadhalika, que c'est une chose qui n'annule pas kadhalika siyam. Lakin, c'est préférable. C'est préférable de rompre le jeûne. Mais si jamais tu. Est-ce que Nabi Sassam, il l'a déjà fait? Qa'a Nabi Sassam fait aftara. Il a vomi et ensuite il a rompu le jeûne. Peut-être par une faiblesse ou bien une affaire. Ceci nous montre que c'est légiféré. Celui qui a vomi et voit qu'il est mieux pour les deux rompre le jeûne, il a pour cela la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle c'est la meilleure des guidées et le meilleur des exemples. Lakin, est-ce que le fait de vomir en lui-même, ça annule le siyam? On n'a aucune preuve qu'il nous prouve cela. Le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam le fait, et qu'il nous ordonne de jeûner, tout même on ne peut pas faire précéder sa parole lorsqu'il nous ordonne de jeûner ou à son acte, yani qui, lorsqu'il a vomi, il a rompu le jeûne, pour dire que ceci est une cause qui annule. Non. On doit avoir un ordre aussi, kadalaka. On n'en sort que par un ordre. Mais ça, c'est, on peut en déduire, car comme on a pu le voir, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au premier degré, le jugement, c'est quoi? La recommandation. Et non pas l'obligation. Donc le hadith, kadalaka, ils ont évoqué un hadith dans lequel il dit celui qui a vomi, ou bien c'était quoi déjà, من ذرع القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Celui qui s'est fait vomir, qui rattrape son jeûne. Ce hadith-là, il est daif. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, wa kadhalik al-Bukhari, et d'autres, ils ont vu que ce hadith-là, il n'est pas mahfouz. C'est un hadith qui est rejeté. Kadhalik nous a évoqué parmi les choses qui étaient mieux de éviter, c'est tous les remèdes que tu as utilisés, que ce soit des gouttes ou bien le kuhl, tamam, pour les yeux. Il dit, c'est mieux d'éviter cela. Lakin, c'est ma'ruf, il y en a comme l'ont dit les ulama, les vieux, tamam, c'est pas une voie qui est connue, qui aboutit jusqu'au ventre, tamam. C'est pas comme la voie nasale ou bien la voie naham, orale. Ça n'a rien à voir. C'est pas une chose qui est connue par laquelle yani, tu prends cette voie-là pour te nourrir, l'œil. Donc c'est ma'ruf, et c'est pas une chose qui est connue, kadalika, qui va aboutir jusqu'à ce que ça va dans ton ventre. Vous avez kadalika conseillé, cher, de ne pas exagérer lorsqu'on fait al-madmada ou al-istinshaq. Al-madmada, c'est-à-dire lorsque tu remues l'eau dans ta bouche, lorsque tu fais le wudu, de peur à ce que tu avales l'eau. Et kadalika, al-istinshaq, c'est-à-dire d'aspirer l'eau, kadalika, c'est mieux d'éviter, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé cela. Qala nabi sallam, ba la fa al-istinshaq illa an takuna sa'ima. Exagère lorsque tu aspires l'eau pendant le wudu et évite cela lorsque tu es jeûneur. Siwa kadalika, c'est une chose qui n'annule pas si le wudu, qui n'annule pas, je veux dire, le jeûne. Car aucune preuve qui prouve cela, bien au contraire, c'est recommandé. Car comme c'est venu dans le hadith d'Aïcha, radiallahu anha, un nabi sallam qal, al-siwak, matharatun lil-fam, wa mardatun lil-rab. C'est une purification pour les bouches et un agrément d'Allah azawajal. Au fait, Allah azawajal, il agrée cela, il aime. Lakin, comme ils ont dit les ulama, si le siwak, lorsque tu l'utilises, il en sort un liquide, ou bien il a un goût, ou bien les branches, elles se détachent vite facilement de ce siwak, c'est mieux de faire attention. C'est mieux de faire attention à ne pas avaler ces genres de trucs-là, car ceci, si jamais tu le fais volontairement, ça va annuler ton siyam. Ça va annuler ton siyam, car le fait de jeûner, c'est quoi? C'est que ton ventre soit vide de tout aliment, de toute chose qui rentre dans ton ventre. Donc à partir du moment, même si jamais ils vont dire, dans le hadith al-Qudsi, Allah Azza wa Jalla dit, il a délaissé ses aliments, sa boisson et ses passions pour moi. Ils vont dire, la brandy du siwak, ce n'est pas un aliment. C'est pas un aliment, lakin al-ma'ruf, c'est quoi? C'est que le siyam, c'est que ton ventre soit vide. Ton ventre soit vide. Al-khulb min al-ta'am. Qu'il soit vide, vacant de tout aliment, de toute chose qui rentre. كما قال ابن عباس الصيام أو الفطر إن الفطر مما دخل تمام سكيانيل تون صيام سي لي شوز كي رونتر دون تمام مما دخل لا فاي Il a globalisé cela. Mais les choses que tu ne peux éviter d'ingurgiter, d'avaler, comme la salive et autres, si jamais tu l'avales, ça c'est une chose que tu ne peux éviter. Toi. C'est une chose que tu ne peux éviter. Donc toutes les choses que tu ne peux éviter qui rentrent par la voie nasale ou bi-orale, ça n'est pas siyam. Comme on a pu voir, si jamais, comme c'est le cas, des glaires et tout ça, si jamais ça c'est des choses que tu peux recracher. Toi, même. Si jamais tu l'avales, ça va annuler ton siyam. Ensuite, il nous a exhorté sur le fait de que la langue kadhalika, elle gêne. Comme ce n'est pas seulement le ventre qui doit être vide de ta'am et tout ça, la kadhalika, ta langue, elle doit être loin de toutes choses qui vont diminuer la récompense de siyam. Que ce soit par les insultes, que ce soit par le mensonge, que ce soit par la calomnie, tamam, un namima, le fait de d'établir des conflits entre tes frères, tamam, et autres, toutes choses qu'Allah et, subhanahu wa ta'ala y réprimande et désapprouve, toutes ces choses-là, qu'est-ce que ta langue, elle doit jeûner par rapport à cela. Le jeûne, ce n'est pas seulement de jeûner par le fait de t'abstenir de manger, la kint, c'est de le fait comme que ta langue, qu'est-ce que elle jeûne. Comme le dit le salaf, comme le dit le Nabi sallam قبل ذلك, من لم يضع من لم يدع القول الزور وعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Comme celui qui ne délaisse pas les propos futiles et les œuvres futiles, Allah Azza wa Jal, il n'est pas dans le besoin que cette personne-là jeûne. Même si son siyam est valide, lakin, on ne pense pas ou on ne donne pas cher de sa récompense de ce siyam-là. Hatta yani, il était venu de certains salafs, ils ont dit As-sa'im fi ibadatin man lam yaghtab musliman aw yu'zi. Le jeûneur, c'est celui lorsqu'il est dans sa ibadah, il ne fait pas de la calomnie. Il ne fait aucun tort à ses frères. C'est-à-dire, c'est le As-sa'im al-kamil, celui qui atteint la perfection dans le siyam. Et kadhalika, il est venu de Anas qui a dit Man sa'ama. Il n'a pas jeûné celui qui ne fait que manger la chair des gens. Ça prouve que Kazalika, ce n'est pas voulu par là que son jeûne il est annulé, lakin on ne donne pas cher de la récompense du jeûne de cette personne-là. C'est des choses qui sont interdites pendant, plutôt hors de siyam, et qui sont dont la gravité devient plus grande lorsque tu es en état de jeûne. Lorsque tu es en état de jeûne, car comme on a dit, lorsque tu jeûnes, tu as par là une chose qui va te préserver, que Shaitan, il s'expose à toi pour te chambouler et prendre peut-être le dessus et aller sur ta personne. Car comme on a pu voir, Inna Shaitan yajri majra ad-dam. Le Shaitan, il circule dans les veines. C'est-à-dire que le fait que tu te prives des aliments et de la boisson, ça va réduire ce début, le début par lequel il passe dans tes veines. Ça va réduire ce débit-là, et c'est ma'ruf. Lorsque tu bois, tu manges, directement tu ressens de la chaleur. Mais lorsque tu jeûnes, tu ressens une tranquillité, une aisance. Une chose que tu ne retrouves pas en dehors du jeûne. Ça, c'est une chose qui est ma'ruf, qui est connue auprès de tous ceux qui jeûnent. Donc, Inch'Allah, préserver sa langue. Des choses qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il désapprouve. Que ce soit en jeûne, en état de jeûne, ou en est ou en état, que ce soit en dehors du jeûne ou en état de jeûne. Et comme on a pu le voir, elle riba, il y a des choses dans la riba qui sont légiférées. On a pu voir six choses, et parmi ces choses-là, de mettre en garde contre les gens du batel. Le fait que tu mettes en garde contre les gens du batel, ça ne fait pas de toi qu'on dit que tu as calomnié. Le fait que tu mettes en garde, c'est un conseil. Lillah, ou le rasulihi, ou le kitabihi. Le fait de conseiller, lorsque tu conseilles, que ce soit la mise en garde ou autre, c'est une nasiha, c'est un conseil que tu as avisé pour Allah Azza wa Jal, son prophète, le kitab, les gouverneurs et la masse des gens. Ça, c'est le conseil. Le conseil, ça touche toutes ces personnes-là. Donc, le fait que tu le conseilles, et même si tu es en état de jeûne, ça, c'est parmi les choses par lesquelles tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal et non tu ne t'en éloignes pas, abedan. Donc ça c'était à peu près, yani, pour résumer le cours dernier, inshallah. Nadkhul fi bab jadid, on rentre dans un nouveau chapitre. قال رحمه قال حفظه الله تعالى باب في بيان احكام القضاء للصيام. Il nous dit, on va rentrer dans le chapitre dans lequel il va exposer les règles qui sont relatives au fait de rattraper dans le siyam, ou plutôt rattraper les jours manqués dans le siyam. On a pu le voir à peu près, il y en a dans le début du livre, il y avait certaines personnes qui étaient excusées même de jeûner, comme on a pu le voir, le musafir, celui qui est malade, celle qui a ses louchis, celle qui a ses monstrues, la personne qui est âgée et qui ne peut vraiment pas jeûner, on a pu voir que toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont excusées et qui ont une dérogation de ne pas pouvoir jeûner. Donc, à certaines de ces personnes-là, comme on a pu le voir, ils doivent rattraper. C'est le cas de tous, excepté la personne qui est âgée, comme on a pu le voir. C'est que ceux qui sont âgés, qui sont dans l'incapacité de pouvoir jeûner, ils n'ont pas à rattraper. Fattakullaha ma stata'tum. Donc craignez Allah Azza wa Jalla comme vous le pouvez, et ces personnes-là ne peuvent le faire. وَإِذَا مَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-le selon vos capacités. Et il n'a pas la capacité, c'est ma'ruf al-wujub, comme c'est connu dans les règles de la jurisprudence al-qawa'id al-fiqhiyya, al-wujub yata'allaq bil-istata'a. Al-wujub, tamam, il est avisé pour les personnes qui sont dans la capacité de pouvoir œuvrer et se décharger de l'ordre qui leur est avisé. قال حفظه الله تعالى من أفطر في رمضان بسبب مباح. Celui qui a rompu son jeûne pendant la journée de Ramadan pour une cause valable. قال كالعذر الشرعية التي تبيح الفطر أو بسبب محرم. Il nous dit, comme c'est le cas des personnes qui sont excusées au niveau du dîn, comme c'est le cas, comme on a pu l'évoquer, la femme qui a ses monstrues, qui a ses louchis, le celui qui est en voyage, celui qui est malade, tamam. Tous ces personnes-là, ils sont quoi? Ils sont excusés de pouvoir jeûner. Tamam. Ils ont une dérogation qui leur permet et qui les dispense de pouvoir jeûner. Ou bi sabab muharram, il nous dit qu'à l'alika, ça c'est pas un sabab shar'i, tamam, c'est pas une cause valable et légiférée. Laquelle nous dit, il rentre aussi dans ce jugement-là, shir al-fawzan, hafidhahullah ta'ala, les personnes qui ont rompu leur jeûne par une cause qui est haram, comme le fait de boire ou de manger ou bien d'avoir ses rapports, et parmi les choses qu'on a pu évoquer auparavant quand même, parmi les choses qui annulent le siyam, il nous dit كَمَنْ أَبَطَلَ صَوْمَهُمْ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ. Celui qui a annulé son siyam en n'ayant consumé ni rapport ou bien autre, parmi les choses qui annulent le siyam. قَالَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Il nous dit à ces personnes-là qu'ils ont rompu le jeûne pour une excuse valable, une excuse qui n'est pas valable, ils doivent rattraper, et ça c'est obligatoire pour eux, selon l'avis de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, de rattraper cela, et il a pris pour cela la preuve, la ayah dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit fa'iddatum min ayyamin ukhar. Donc ils doivent compenser leur manquement et leur jour raté dans d'autres jours, c'est-à-dire dans un autre mois que Ramadan. Lorsque Ramadan est fini, ils ont 12 mois pour pouvoir rattraper ce siyam-là qu'ils ont loupé, pour une excuse valable ou une excuse qui n'est pas valable, selon l'avis de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On dit cela, on restreint cela par selon l'avis de Cheikh Al-Fawzan, car dans ce qu'il a évoqué, il y a des choses qui ne sont pas forcément justes. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il voit que celui qui a rompu le jeûne pour une excuse valable ou pas, que ce soit volontaire ou bien qu'il ait de la négligence, c'est-à-dire que il n'a pas connu les choses, il a ignoré les causes qui vont annuler son siyam. Pourquoi? Parce que on lui a dit, ou plutôt on l'a mis en garde contre ces choses-là, sans dalil peut-être. Alors lui il s'est dit, bon, il n'y a pas de dalil, donc je fais. Non, il faut que tu t'assures que cette personne-là qui t'a évoqué ces choses-là, est-ce que jamais c'est un dalil ou pas? Donc il ne t'est pas excusé par rapport à cela. Ou bien ceux qui n'ont pas fait d'effort d'eux, d'apprendre les choses qui annulent leur siyam. Et ça, c'est une chose qui incombe, comme on a pu le voir au début du livre. Il y a une ijmer par rapport à cela, que ça fait partie des obligations individuelles. De pouvoir, de connaître comment tu dois jeûner, les descriptifs du jeûne, il t'incombe de les connaître. Donc si jamais c'est la personne qui prétend l'ignorance, surtout dans notre époque, il n'est pas excusé. Parce que les intermédiaires pour apprendre la science, apprendre ton ilm, c'est à son arme nombreuse et ouverte à tous, ouvert à tous. Donc il n'est pas excusé. Donc ceux qui et il voit chier ceux qui ont rompu leur jeûne pour une cause valable ou non, volontairement ou bien par négligence, il voit qu'ils doivent rattraper ce jeûne. Ils doivent rattraper ce jeûne et il a pris pour cela la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils doivent rattraper leur manquement dans d'autres jours. L'avis qu'a pris Cheikh Al-Fawzan et l'avis de la majorité des savants et des quatre imams qui sont connus, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, Malik ou Abu Hanifa, rahimahumullah ta'ala. Ils ont argumenté leur position en disant que As-Siyam, c'est une chose qui est obligatoire et sa conscience ne sera libérée que si jamais il s'en décharge. Et le fait qu'il a loupé un jour de jeûne, que ce soit pour une raison valable ou pas, le fait que c'est une obligation, sa conscience ne peut être libérée que lorsque il aura, il se sera déchargé de cela, c'est-à-dire en rattrapant ce jeûne. Il ne peut que libérer sa conscience que en jeûnant un jour après Ramadan. Ils ont argumenté cela par cela. Et Hattani, l'imam Ibn Qudamah, rahimahullah ta'ala, il a évoqué qu'il ne connaît aucune divergence yani, à ce sujet-là. C'est-à-dire que la majorité, vraiment la majorité des savants, ils voient ce que Cheikh Fawzan a vu. C'est-à-dire que tu as une excuse ou pas, tu dois rattraper ce jeûne-là, car ta conscience ne peut être libérée que si jamais tu t'en décharges, c'est-à-dire en rattrapant ce jour dans un autre jour de Ramadan. Lakin al-Sahih, c'est qu'il y a un khilaf dans cette mas'ala. Le fait qu'il nous dit Ibn Qudamah, la a'lamu fi khilaf, ça c'est la chose que lui, il connaît par rapport à ça. Il ne connaît aucune divergence par rapport à la science qu'Allah Azza wa Jal il lui a donnée. Lakin, il y a un khilaf. Il y a un khilaf dans cette mas'ala-là. Et hatta, yani Ibn Mas'ud et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, ils ont évoqué, et les deux athars, ils sont sahih et authentifiés par Cheikhuna Muhammad ibn Hizam. Ils ont dit la yujzi'uhu qada'uhu wa insam ad-dahr. Il dit abadan, ils nous disent ces deux compagnons que le fait de rattraper le jeûne pour les personnes qui n'ont pas d'excuses, pour les personnes qui n'ont pas d'excuses, valable pour cela, ils peuvent jeûner toute leur vie, jamais cela ce sera une cause pour pouvoir combler les jours qu'ils ont loupés. Donc il y en a ceux qui n'ont pas d'excuses, ils voient Ibn Mas'ud et kazalika Abu Huraira, ceux qui n'ont pas d'excuses, ils ne peuvent, ils n'ont aucun argument et aucun justificatif les permettant de pouvoir rattraper leur jeûne. Ils n'ont aucun justificatif pour cela les permettant de rattraper leur jeûne. Mais ceux qui ont des excuses, naam, ils doivent rattraper pour cela. Et la parole d'Allah, Azza wa Jal, fi'iddatun min ayyamin ukhar, elle leur est avisée. Rattraper ce que vous avez manqué en dehors de Ramadan. As-Sahih, donc, comme on a pu voir, c'est que cet avis-là, il est juste. L'avis d'Ibn Mas'ud et de Kazalika d'Abu Huraira. Radiallahu ta'ala anhu. Ça, c'est l'avis qui est juste. Car il n'y a aucune preuve qui nous prouve que ceux qui n'ont pas, on parle bien de ceux qui n'ont pas d'excuses pour cela, ceux qui ont rompu volontairement, ou bien ceux qui avaient une négligence dans cela, ceux qui l'ont rompu avec une chose qui est muharram, toutes ces personnes-là, ils n'ont aucune excuse par rapport à cela, et ils ne peuvent le rattraper. Ils ne peuvent le rattraper. Et le fait de évoquer la ayah fi'iddatun min ayyamin ukhar et de prétendre que la ayah elle est globale pour toute personne qui n'a pas qui a loupé un jour dans Ramadan et que sa conscience elle est libérée que si jamais il s'en décharge en jeûnant un autre jour, cette ayah là elle est pas haram, parce que il faut mettre les ayah dans les contextes. Quand même la ayah, le début de cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit faman kana maridan aw ala safarin fi'iddatun min ayyamin ukhar. Celui qui était malade ou bien en voyage, il doit le rattraper. Si jamais il n'a pas jeûné ce jour-là, il doit le rattraper dans un autre jour. Il compense cela par le fait de rattraper cela dans un autre jour de Ramadan. Donc cette ayah-là, elle n'est pas globale comme l'a prétendu Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Elle se limite aux personnes qui ont des excuses, comme celui qui est malade, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, et celui qui est en voyage. Et kazalika, comme le prouve la sunnah, que celles qui sont nufasa, celles qui sont en horlogerie et celles qui sont leur monstrueux, kadhalika, comme ça a été évoqué dans le hadith Aisha muttafaqan alayh, qalat yani kunna nu'mar bi qada'i siyam la as-salah. On nous a ordonné de rattraper le siyam et non les prières qu'on était en état de monstrueux. Même qu'on avait nos monstrueux aussi, ça rentre kadhalika les loshi, car c'est la même chose. C'est la même chose. Les loshi, c'est le sang. C'est des monstrueux yani, qui viennent après l'accouchement. Qui viennent après l'accouchement. Donc ces types de personnes-là, ils ont une excuse pour eux. Donc cette ayah-là, elle englobe toute personne qui a une excuse. Mais ceux qui n'ont pas d'excuse, cette ayah-là, elle n'englobe pas. Donc on n'a pas, on n'a aucune preuve qui nous prouve ce qu'on dit ces savants-là. Et le fait de dire que, ou bien d'argumenter cela, parce que la liberté, plutôt la conscience, elle est libérée, que si jamais ils sont déchargés, c'est même l'obligation de ces personnes-là, elles ne peuvent être déchargées que si jamais ils accomplissent cela en la rattrapant un autre jour de Ramadan. Cette qaïda-là, elle est valable lorsque tu dois rattraper une chose, et que tu as un temps qui est large pour cela. Tu as un temps qui est large pour cela. Al-Shaykhana, Abu Hatim, Saïd al-Da'as, Al-Salaf al-Athari, Al-Mujahid al-Batal, Rahimahullah ta'ala, Rahmatan wasi'a, وفسح في قبره سبحانه. Et il nous dit que lorsque la personne jeûne, sa ibada, elle est limitée à quoi? Du fajr jusqu'à le coucher du soleil. Le fait qu'il le loupe, il ne peut pas le rattraper. Pourquoi? Parce que sa ibada, à lui, elle est limitée à ce jour-là dont il a volontairement pris l'initiative de rompre. Du fajr jusqu'au coucher du soleil. Il ne peut pas le rattraper. Et nos déchirs, hafidhahullah ta'ala, ou plutôt rahimahullah ta'ala, les ibadas qui ont un temps imparti, à partir du moment où son temps est sorti, tu ne peux pas revenir en arrière. Comme c'est le cas de quoi? Des salawat. Comme c'est le cas des 5 prières obligatoires. Ils ont des temps qui sont bien limités pour cela. Si jamais tu fais sortir de ce temps-là, tu ne peux pas le rattraper. Donc il nous dit, les choses que tu peux rattraper dans l'islam, c'est les choses qui ont un temps qui est vraiment... qui est large, un temps qui est large comme le temps, c'est le cas de ceux qui le rattrapent pour une excuse qui est valable. Allah Azza wa Jalla dit fa'idatun min ayyam ukhar, il le rattrape un autre jour. Donc son temps à eux, il est large, son temps à eux, il est large, on va le voir, c'est jusqu'à ce qu'il meure, inshallah. Eux, ils peuvent le rattraper, ils ont un temps qui est large pour cela, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il leur a permis fa'idatun min ayyam ukhar, il rattrape un autre jour, un autre jour. Et tandis que ceux qui n'ont pas d'excuse pour cela, quant à ces personnes-là, ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont rien qui nous prouve qu'ils peuvent le rattraper. Awalan et thaniyan, leur ibada, elle est limitée à un temps qui est bien imparti. À partir de quoi? Du lever de l'aube jusqu'à le coucher du soleil. Donc si jamais ce temps-là, khalas, il est sorti, c'est-à-dire qu'il a rompu son jeûne, donc il ne peut plus revenir en arrière pour jeûner, il ne peut plus qu'à revenir en arrière pour quoi? Le rattraper. Donc lui, il ne peut pas rattraper son jeûne. Pourquoi? Parce que sa ibada, elle est limitée et tu ne peux pas revenir sur une ibada, une adoration qui a été limitée. Donc, le fait de dire que sa conscience, ça peut être que libérée qu'à partir du moment où il le fait, ça, c'est restreint. C'est restreint aux choses auxquelles Allah Azza wa Jal, il a laissé un temps qui est large pour cela. Il a laissé un temps qui est large pour cela, comme c'est le cas de celui qui est malade, celui qui est en voyage, et ceux qui ont leur monstre. Ils ont un temps qui est large pour cela, eux, ils peuvent le rattraper. Amma, celui qui a délaissé cela, volontairement, il n'a pas de temps pour le rattraper. Il nous dit, une chose qu'Allah Azza wa Jalla, il a limité dans son temps, s'il a limité dans ce temps-là, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a vu qu'il y avait une hikmah, même de faire cette ibadah-là qu'il a mis entre ces deux heures-là. Entre ces deux heures-là. Donc le fait de dire que tu peux la rattraper, c'est comme si tu disais qu'il n'y avait pas de hikmah, qu'Allah Azza wa Jalla, il a limité le siyam, au lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est comme si tu disais, il n'y avait pas de hikmah. Tu peux faire ce que tu veux, rattraper quand tu veux. Donc il n'y a pas de hikmah, le fait de jeûner dans ces moments-là. C'est comme si jamais c'était prétendu cela. Allah Azza wa Jalla, comme qu'a dit salat, inna salata kanat al mu'mini kitaban mawquta. La salat, elle a des heures bien précises. Kathalika siyam, elle a une heure bien précise. Si jamais tu le dépasses, c'est comme si jamais tu voulais faire un ibadah dans un temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas vu qu'il y avait une sagesse de faire cela. Donc, il y en a ce le col qu'ils ont vu Ibn Mas'ud, wakazalika Abu Harayra et d'autres ulama, rahimahumullah ta'ala, ajma'in wa radiya an as-sahaba, c'est la vie qui est juste. Celui qui a une excuse, naam, il a un texte qui le prouve qu'il peut rattraper cela. Celui qui n'a pas d'excuse, comme il a dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, comment peut-on légiférer à des gens des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Al-ibadah, le fait que tu lui dises que tu peux les rattraper dans un autre temps, c'est comme si tu l'avais légiféré un temps pour cela. As-tu un délai pour cela? Là. Donc on ne doit pas légiférer une chose qu'Allah azza wa jalla n'a pas fait, il s'est tué sur cela. S'il s'est tué sur cela, c'est qu'il y avait une raison pour cela. Donc la vie de la plupart ou de la majorité des savants, même si c'est la majorité des savants, c'est pas par le nombre qu'on connaît la vérité, mais c'est par la vérité, les textes du Kitab et de la Sunna et de l'Ijma que s'établit la vérité. Donc, al-qadr sahih, c'est que les personnes qui n'ont pas d'excuse pour cela, ils ne rattrapent pas. Lakin, ce qui leur incombe, c'est quoi? De se repentir vers Allah, comme on a pu le voir, et de faire beaucoup de nawafil. Se repentir, pourquoi? Parce qu'ils ont fait un péché. Ils ont commis un péché. Deuxièmement, faire beaucoup de nawafil, car comme on a pu le voir, à travers le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, les actes surrogatoires, c'est une cause pour combler les négligences qui ont été faites dans les obligations. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فننتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل أنظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا روى الترمذي إسم حديث كتبت فيه بخشيخ الألباني رحمه الله تعالى dans lequel il dit la première des choses que on devra rendre compte Yawm al-Qiyamah parmi nos œuvres, c'est la salah, c'est la prière. Si jamais on l'a bien accompli, on aura certes réussi. Si jamais ce n'est pas le cas, on aura certes perdu. Et il nous dit, par après cela, si jamais il y a eu de la négligence dans les actes qui sont obligatoires, Allah Azza wa Jal dira, regardez si mon serviteur a des œuvres surérogatoires. Si c'est le cas, Allah Azza wa Jal il dira, prenez ces surrogatoires pour compléter le manque et la négligence qu'il a eu dans les œuvres qui sont obligatoires. Et il nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous les œuvres seront jugées de la sorte. C'est-à-dire les œuvres, que ce soit siyam, que ce soit az-zakah, que ce soit le hajj, et autres. Toutes ces œuvres-là, il y a les œuvres obligatoires, qui ont des surrogations, des œuvres surrogatoires, comme c'est le cas de la salah, comme c'est le cas de hajj, il y en a qui a une umrah, comme c'est le cas de la zakah, qui a une sadaqah, comme c'est le cas de siyam, qui a le fait de jeûner, sha'ban, qui a le fait de jeûner. Beaucoup de siyam, siyam Daoud, lundi, jeudi, il a khirihi, Ashura, Arafa. Il y a ces œuvres-là, inshallah, si jamais on arrive yawm al-qiyamah en ayant négligé, et nas'Allah Azza wa Jal, an la yakuna kazalik, et bien ce sera des œuvres qui vont compléter et combler la négligence. Donc, comme l'a dit Cheikhana Yahya Hafidahullah Ta'ala, tu dois te repentre vers Allah Azza wa Jal. Les personnes qui font ça, ils doivent se repentir et faire beaucoup de nawafir en espérant qu'Allah Azza wa Jal, il va accepter leurs œuvres surrogatoires pour que ce soit une cause qui comble les négligences qu'ils ont eues dans les obligations. قال رحمه الله تعالى ويستحب له المبادرة بالقضاء. Il nous dit, il est recommandé à ces personnes-là, qu'ils ont des excuses, à la sahih, lui il voit chier que c'est ceux qui sont excusés ou pas, lakin c'est ceux qui ont des excuses, il est préférable pour eux d'empresser le pas pour cela. Après que Ramadan il se finit, plutôt que les 6 jours de Shawwal ils se finissent, parce que c'est bien de jeûner les 6 jours de Shawwal après Ramadan, comme la sunnah l'a recommandé, man sama Ramadan thumma tba'a bi sit min Shawwal kana ka siyam ad-dahr, celui qui a jeûné Ramadan et ensuite l'a fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme si jamais il avait jeûné, c'est comme s'il avait toujours jeûné, c'est comme si jamais il avait tout le temps jeûné. Donc après les 6 jours de Shawwal, il était préférable et préférable aux personnes de rattraper directement, après ces jours-là, de rattraper directement après ces jours-là. Et ce qui nous prouve cela, قوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. Les personnes qui auront eu des manquements dans leur obligation, يوم القيامة ils diront Seigneur fais-moi revenir. Seigneur fais-moi revenir en espérant que je rattrape les œuvres où j'ai eu un manquement. Allah Azza wa Jalla dira كلا إنها كلمه هو قائلها, يعني c'est qu'une prétention qu'il est en train de dire, ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون, il y a entre eux une limite qui est le barzakh, qui est la vie entre qiyam as-sa'a et la vie d'ici-bas, c'est-à-dire dans la tombe, il ne pourra revenir en arrière, il aura une limite, un rempart qui l'empêchera de revenir en arrière, donc à quoi bon se lamenter ce jour-là, car tu ne pourras jamais revenir en arrière. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dit kalla. Et Cheikh Sa'di dit, l'explication de cette ayah, c'est pour les personnes, Allah il dit, c'est qu'une prétention, parce que Aslan ne peut pas revenir en arrière, et deuxièmement, si jamais même il aurait pu revenir en arrière, il aurait recommencé, c'est-à-dire il aurait continué à avoir de la négligence dans la vie d'ici-bas. في قوله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Et si jamais on leur avait donné une autre vie pour qu'ils reviennent en arrière et se rattrapent, ils auraient recommencé. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla c'est qu'une prétention. Donc ça nous montre que ces personnes-là qui ont délaissé les obligations, ils ont un regret. Ils ont un regret et se lamentent. Ils se lamentent sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire d'empresser le pas, car les personnes-là doivent rattraper. Si jamais le retard jusqu'à ce que vienne leur mort, tout type de négligence ou certains degrés de négligence est concerné par ce ayah. Toute négligence, فِيمَا تَرَكْتُ, toute chose que tu as négligée. حَتَّى يَنِي فِي قَلِي سُبْحَانَ وَتَعَالَى نَعَمْ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ. Il va dire, hélas, si jamais j'avais été sérieux face à Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire face à l'islam, ce qui est en compte dans l'islam. Et quand tu as les choses que tu vas délaisser, parmi les hajj, parmi les hasanat, parmi les œuvres surrogatoires, car tu n'es pas, comme on peut le dire, c'est ma'rouf, al-hisab, il va se passer comment avec, pour les personnes qui seront jugées, c'est-à-dire ceux qui ne rentreront pas au paradis, bila hisab wa la azab, c'est-à-dire sans être jugés et sans être châtiés, ils ont deux sortes de hisab ba'da. Il y en a ceux à qui Allah Azza wa Jalla, il va leur rappeler tout ce qu'ils ont fait et il va les pardonner malgré cela. Et d'autres dont leurs sayyi'at, elles seront, elles vont prendre le pas sur quoi les hasanat, et ces personnes-là qui vont être châtiées. Ces personnes-là qui vont être châtiées, ils vont rentrer en enfer pour une durée qui est équivalente à leur négligence dans l'enfer. Donc le fait de délaisser une œuvre surrogatoire, peut-être que cette œuvre-là que tu as délaissée, c'est cette œuvre-là qui va faire quoi? Qui va faire rien que tes œuvres saliha vont prépondérer aux mauvaises œuvres. Donc il ne faut rien négliger. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne négliger aucune chose convenable. Pourquoi? Parce que Yawm al-Qiyamah, elle peut peser très lourd. Et même être une cause que ça va être cette action-là là, que tu auras eu l'espérance. Même ce sourire là, ce sourire que tu as fait pour ton frère, l'Allah Azza wa Jal, qui va faire que tes bonnes actions, ils vont prendre le pas, et ils vont être plus lourds que tes mauvaises actions. Donc c'est sur toute chose que tu vas te lamenter. Tu vas regretter de ne pas avoir fait plus de batlofikum d'actions. Plus d'actions. Lakinhuna fi ma taraktu, c'est âme, pour les choses que j'ai délaissées. Donc Yanni, il se lamente. Donc quand la personne qui délaisse une chose jusqu'à ce qu'il meure, surtout si c'est une chose qui est obligée, il va se lamenter. Il va se lamenter. Hatta fil aya. Ya laytani qaddamtu li hayati. Et là, si jamais j'avais donné pour mon avenir. Donc, toute chose. Donc, des ulama, la plupart, des ulama, donc il faut empresser le pas par rapport à l'aya, afin qu'on ne se lamente pas et qu'on ne soit pas navré de ne pas avoir fait cette œuvre-là dans les temps légiférés pour cela. Donc, sont pressés car on ne sait pas quand est-ce qu'elle vient la mort. La mort, elle tape à ta porte. À tout moment, elle peut venir. La plupart des ulama, ils voient que c'est possible de retarder le fait de rattraper un jour que tu as loupé pendant Siyam, pour ceux qui sont excusés, bien sûr, on parle là, nous. Avant que l'autre Ramadan y vienne. Avant que l'autre Ramadan y vienne, ils nous disent c'est possible de le retarder. Ils ont pris pour cela la parole de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui disait Kana يكون علي الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه حتى ياتي شعبان. Elle nous disait, j'avais pas la capacité de pouvoir rattraper les jours manqués pendant Ramadan que lorsque venait le mois de Sha'ban. Donc ceci nous prouve que Aïcha, elle a retardé le siyam pour des raisons valables, comme elle a dit, j'avais pas la capacité. Elle nous dit qu'elle a retardé cela, de rattraper le jeûne jusqu'à ce que venait Sha'ban. Elle est 11 mois après. 11 mois après, elle a retardé. Et dans le mois de Sha'ban, c'est là qu'elle a rattrapé les jeûnes qu'elle avait loupés. Donc ils nous disent que c'est possible. Lakin, c'est préférable pour celui qui a la capacité d'empresser le pas. Car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et lakin, alladhi yadhhar, la chose qui paraît apparente, c'est que ta conscience, elle sera libérée, plutôt il y en a l'obligation. Elle est liée à ta conscience jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que tu meurs. Car Aïcha, ici, même si jamais on voit que elle a fait un effort pour cela, pour pouvoir rattraper ses jeûnes, ses jours de jeûne qu'elle avait loupé avant que l'autre Ramadan y vienne, laquelle on ne peut pas apprendre à travers même la parole de Aïcha radiallahu ta'ala anha, que c'est une obligation. Car awwalan, elle n'ordonne pas, elle n'a pas ordonné. Et si elle avait ordonné, l'ordre d'un sahaba, ce n'est pas comme l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Car c'est ma'ruf, il y a un khilaf par rapport à cela. Est-ce que la parole de sahabi, c'est un dalil, c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation qui incombe à chacun? La kina sahih, c'est que as-sahabi, s'il dit une chose, il ordonne, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation. Donc comment on peut juger à travers ce texte-là que c'est une obligation alors qu'il n'y a rien qui prouve cela? Elle a juste évoqué un acte qu'elle faisait. Et c'est ma'ruf hatta Nabi sallam, l'acte que Nabi sallam fait, le premier degré de jugement, c'est quoi? C'est qu'une recommandation. Donc comment on peut juger que c'est une obligation dans un texte qui ne prouve en aucun cas que c'est une obligation? En aucun cas que c'est une obligation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Il a globalisé cela. Il le rattrape dans un autre jour. C'est quand ce jour-là? Est-ce que c'est avant que l'autre Ramadan y vient, après l'autre Ramadan qui vient? Wallahu a'lam. C'est comme, yani, c'est semblable un peu au hajj. C'est semblable un peu au hajj. Le hajj, yani, il a été ordonné. Inna Allah kataba alaykum al-hajj. فقال واحد منهم أفكل عام قال لا c'est pas est-ce qu'il Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith il dit Allah vous a prescrit le hajj, le pèlerinage, ils lui ont dit est-ce que c'est chaque année? Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam là. Donc le hajj, il est ouvert, c'est-à-dire ta conscience elle est libérée à partir du moment où tu l'auras appliqué. Quand est-ce? Lorsque tu as la capacité de pouvoir le faire. Si jamais tu as la capacité et tu délaisses et que tu l'as fait 3, 4 ans, 5 ans, 1 an avant que tu meurs, tu te seras yani, déchargé de cette obligation-là. Il n'y a aucune preuve qui nous prouve cela. Et ça, c'est ma'ruf qui prouve yani, qu'il est limité. Et c'est ma'ruf, ces choses-là, c'est comme le fait de expier. Lorsque tu as une expiation à faire, celui qui a, mathalan, il a consumé ses rapports, est-ce qu'il doit les faire directement après Ramadan? Est-ce que si jamais il le fait un an avant qu'il meure, c'est pas accepté? Il n'y a rien qui nous prouve que la durée est limitée. Et ça, c'est le waqt yani, qu'ils appellent al-waqt yani, al-muwassi'. Ou plutôt, yani, ghayr al-muhaddad. C'est le temps qui n'est pas limité. Car les adorations, ils se divisent en plusieurs parties selon leur durée. Tu as des ibadas qui sont mudayyaqa. Tu as des ibadas qui sont limités, comme c'est le cas de salat, comme c'est le cas de siyam. Tu as des ibadas qui sont muwassi', qui sont larges. Qui sont limités, mais leur temps est large. Et tu as des ibadas qui ne sont pas du tout limités. Qui ne sont pas du tout limités. Ici, est-ce qu'on a une chose qui nous prouve qu'elle est limitée là? Qawlu subhanahu wa ta'ala fi'iddatun min ayyamin ukhar. Ce n'est pas limité. Tu veux le rattraper dans un autre jour. Fa'ladhi yadhhar wallahu a'lam. C'est que yani, il a jusqu'à la mort. Et ce n'est pas, on dit cela, qu'il attend qu'il meure, parce que personne ne sait lorsqu'il va mourir. Lakin, c'est mieux pour lui qu'il en presse. Lakin, est-ce que si jamais il le fait après que Ramadan, le prochain Ramadan, il vient, s'il le fait après, c'est pas valable? Là, il n'y a aucune preuve qui ne prouve cela. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Qala rahimahullahu ta'ala, ou plutôt hafidhahullahu ta'ala, wa yustahabu lahu al-mubadara bil-qada li-ibra zimmatihi, wa yustahabu an yakuna al-qada mutatabi'an. Il nous dit, yani, c'est mieux pour lui qui s'empresse de rattraper ses jours afin de libérer sa conscience de cette obligation-là qui lui incombe. Et il dit, kazalika, il est recommandé pour lui, lorsqu'il rattrape, yani de le faire de manière consécutive. Kazalika, ça c'est mustahab. C'est une chose qui est vraiment recommandée afin que tu libères ta conscience le plus rapidement possible. Comme on peut le voir, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc le plus rapidement possible, libère ta conscience et aide-toi d'Allah Azzawajal. Et surtout fais-le après le Ramadan car tu t'es habitué à jeûner. Ah, mais si jamais tu te réhabitues à ce que ta coutume est de manger, tu vas avoir peut-être une difficulté à jeûner. Donc fais-le tant que ton âme il s'est habituée à jeûner. Directement après Ramadan, ista'in billah azza wa jal, prends l'aide auprès d'Allah azza wa jal, et aussi auprès de tes proches, c'est-à-dire à jeûner les lundis et jeudis, ou bien les inciter à faire plus de jeûne pour que vous entraidez dans le bien, et inshallah tabaraka wa ta'ala, rattrape le jeûne le plus rapidement possible, et de manière consécutive si vraiment c'est possible. Est-ce que c'est wajib? Certains des ulama ils voient que c'est wajib, comme c'est le cas d'Ibn Hazm. Il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Il rattrape dans d'autres jours. Il n'a pas dit mutatabi'an, il n'a pas dit d'autres jours sont consécutifs. Donc, yani, as-sahih, c'est que c'est mandoub, c'est recommandé, et c'est pas obligatoire. Et ça, c'est la parole d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Et kazalika, c'est la vie qu'a vu juste l'imam al-Bukhari, Et كذلك الإمام الواضحي وابن عثيمين الواضحي يعني je veux par là شيخ مقبل رحمه الله تعالى ورضي عن الصحابة. Donc l'avis qui est juste c'est que c'est recommandé comme l'a dit شيخ الفوزان حفظه الله تعالى لكن pour les personnes qui sont excusées. قال لأن القضاء يحكي الأداء وإن لم يقضي على الفور. Il nous dit le fait que tu rattrapes يعني il indique que tu dois faire cette chose là même si jamais ça indique pas qu'il doit faire, être fait rapidement. Il nous dit, même si jamais il ne s'indique pas qu'il est fait rapidement, mais la kin c'est meilleur. قال وجب العزم عليه ويجوز له التأخير لأن وقته موسع. Il nous dit qu'il doit réunir pour cela ses intentions et l'intention de le faire et qu'il a droit de pouvoir le retarder. Car il nous dit, son, le temps pour rattraper le asiyam, c'est un waqt qui est large. Un waqt qui est large. Il voit qu'il est large, lakin il voit qu'il est limité. C'est-à-dire qu'il est limité au prochain Ramadan. Et comme on a pu le voir, Wallahu a'lam, il n'y a rien qui prouve cela. Il n'y a rien qui nous prouve cela. La part de Aïcha ne prouve en aucun cas cela. Il nous dit toute adoration qui a un temps qui est large, tu peux la retarder à partir du moment que tu as la volonté et l'intention de la rattraper. قال كما يجوز تفرقته et كذلك c'est possible de pouvoir de ne pas jeûner يعني, de manière consécutive لكن tu le fais un jour et ensuite tu laisses إلى آخره تمام ça c'est كذلك c'est جائز le fait que tu réunis c'est mieux. قال بأن يصومه متفرقا il a droit de jeûner يعني en les séparant تمام en séparant ces jours là. قال ولكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا. Il nous dit que si jamais il n'a pas la capacité, ou plutôt yani, si jamais il a retardé jusqu'à ce que vient le mois de Sha'ban, il reste qu'une durée qui va comporter les jours qu'il a loupés. Il reste que le Sha'ban 5 jours avant que Ramadan il vient. Il doit rattraper 5 jours. Il nous dit à partir de ce moment-là, il doit jeûner 5 jours consécutifs. Parce qu'il voit Cheikh Al-Fawzan qu'il doit rattraper le mois de Ramadan avant que vienne Ramadan. Donc s'il reste 5 jours et toi il te reste 5 jours à jeûner, tu dois le faire de manière consécutive, t'as même, tu dois le faire de manière consécutive. Ça, c'est clair et net qu'il doit le faire, t'as même. Lakin, si jamais il ne le fait pas, est-ce qu'on peut dire que le jeûne qu'il a fait après, t'as même su qu'est-ce que j'ai en parlant, le jeûne qu'il aura fait après Ramadan qui est venu, est-ce que Yanni, il n'est pas compté? Ça, personne n'a dit ça. T'as même, personne n'a dit ça. Donc, le fait qu'il ne dise pas ça, c'est que tu as tout à fait le droit. Et pour rendre quelqu'un qui est dans le péché, il faut qu'on donne un dalil. Il faut qu'il y ait un délai par rapport à ça. Quand la fille n'a rien dit, allez, il tatabou, ijma'an. Il dit qu'ils sont tous unis par rapport à cela. Lakin, cet ijma'an-là, wallahu a'lam bih. Il faut voir si jamais vraiment, yani, comment ça s'appelle, thabit, si jamais vraiment établi. Quand il dit, le waqt, parce qu'il dit le waqt, yani, il est vraiment court. Quand il dit, il n'a pas le droit de retarder ce jour qu'il doit rattraper. Il n'a pas le droit de retarder ce jour qu'il doit rattraper. Après la venue de Ramadan, après la venue de l'autre Ramadan, si jamais il n'a vraiment pas d'excuse pour cela. Même s'il a une excuse, il nous dit, on comprend par cela que la personne qui a une excuse pour cela, la personne qui a une excuse pour cela, il n'a pas pu jeûner pour raison de maladie et autres, jusqu'à ce que vient l'autre Ramadan, et donc il est excusé. À partir de ce moment-là, il ne doit pas jeûner le mois qu'il a loupé, mais il jeûne le mois qui est présent. Celui qui se présente, plutôt qui est vivant à ce moment-là où le jeûne le Ramadan il vient, il doit jeûner le mois qui est venu et pas le mois qui est à rattraper. Tamam. Ça c'est pour la personne qui a une excuse, donc il rattrape ces jours qu'il a loupé après le Ramadan, tamam, après ce Ramadan. Et on peut comprendre à travers la parole et on va le voir. Hatta, il voit que celui qui n'a pas d'excuse pour cela, il ne doit pas rattraper mais il doit nourrir. قال لقوله عائشة رضي الله تعالى عنها, ce qui nous prouve qu'il doit rattraper cela avant la venue de l'autre Ramadan. قال كان قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم متفق عليه. Elle nous dit que elle n'avait pas la capacité de pouvoir rattraper le Ramadan que lorsque le mois de Sha'ban venait, que lorsque le mois de Sha'ban venait. Le hadith est là متفق عليه, comme on a pu le voir, il y a rien qui prouve cela. Ça c'est le fait que Aïcha a fait une chose, si jamais ça aurait été le prophète sallam, on aurait pu juger de ces choses là que c'est quoi, que c'est juste barfikum, il y a une recommandation, c'est une recommandation. Donc comment peut-on juger d'un acte d'un sahabi que c'est une obligation alors que le même acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une obligation. Il faut apporter ses preuves, Inch'Allah. قال فدل هذا على أن وقت القضاء موسع. Ce hadith-là, plutôt l'athar de Aïcha, il nous prouve que la durée pour ce, qui est légiférée pour celui qui veut rattraper son jeûne, tamam, il dit qu'elle est large. قال إلا أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام إلا قدر الأيام التي عليه. Tamam, il a le droit de retarder son jeûne, il nous dit, jusqu'à ce qu'il lui reste un jour, le nombre des jours qu'il doit rattraper. Jusqu'à ce que vient Sha'ban et qu'il reste dans ce mois-là que la durée des jours qu'il doit jeûner. À partir de ce moment-là, il dit qu'il doit jeûner même de manière consécutive. Makin, comme on a pu le voir, ça c'est recommandé. Wallahu a'lam. قال في يجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. Il doit rattraper ce qu'il a loupé avant la venue du nouveau mois de Ramadan. قال فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. Il nous dit, si jamais il a retardé cela après que Ramadan soit venu, tamam, il nous dit donc à ce moment-là, il ne doit pas rattraper, mais jeûner ce mois de Ramadan, et ensuite il rattrapera après que le mois de Ramadan, yani le nouveau mois de Ramadan, s'achève, et après cela, il rattrape. Donc vous voyez, il nous dit qu'il peut encore rattraper. Tamam. Il peut encore rattraper. Si jamais son waqt, il aurait été limité jusqu'à la venue de Ramadan, yani c'est comme Salah, c'est-à-dire que son waqt il est jusqu'à Ramadan. Donc si jamais tu fais après Ramadan, tu es sorti de son waqt, même comme on a pu le voir à travers la parole du Cheikh Abu Hatim Sa'd ibn Da'as rahimahullah ta'ala. Donc une ibada qui est limitée, même si elle est large, dès que son heure revient, si jamais tu retardes cette heure-là, tu peux y revenir en arrière, tu peux plus revenir en arrière. Rabbi irji'u kalla. Il demande à Allah Azza wa Jalla de revenir. Tu peux revenir. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. Tu es dans la tombe, tu peux revenir dans la halle de Kazalika. Lorsque le temps est limité, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Kazalika, Huna. Lakin, eux, ils voient qu'il peut rattraper encore. Donc, ça montre un peu qu'il y a une petite contradiction dans leur manière de faire, dans leur manière de comprendre. Wallahu a'lam. قال فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. قال ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة. Il nous dit, si jamais il a retardé cela jusqu'à ce qu'est venu le nouveau mois de Ramadan pour une raison valable pour cela, قال فإنه ليس عليه إلا القضاء. وإن نعم, il nous dit, si jamais il a retardé, tamam, jusqu'à ce que l'autre Ramadan il est venu pour une raison valable, il doit juste rattraper. Après que ce nouveau mois de Ramadan soit fini. قال وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. Il dit, si jamais la personne qui fait cela, celui qui l'a retardé sans excuse valable, il doit le rattraper, et en plus pour cela il doit nourrir des pauvres pour tous les jours qu'il a loupé, à mon avis, tamam. La moitié d'un sa'a, tamam. La sa'a, c'est ma'rouf, c'est l'unité de 4 mains à peu près, tamam. Ça représente 2 kg, 3 kg à peu près, comme ils ont pu l'évoquer, tamam. Donc il voit que celui qui n'a pas d'excuse, il doit la rattraper et donner en plus de cela, il doit nourrir, tamam. Il doit nourrir en plus de cela. Là, il n'y a rien qui prouve cela, tamam. Le fait de nourrir, il n'y a aucun dalil qui prouve cela. Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Si jamais ceux qui doivent rattraper, ils le rattrapent dans d'autres jours. Il n'a pas dit « wa it'am miskin ». Est-ce qu'on a pu le voir, René, lorsqu'à l'époque, ils avaient le choix entre le fait de jeûner et le fait de nourrir des pauvres, tamam. Ça a abrogé. Tamam. Ça a été abrogé. C'est-à-dire que lorsqu'il a retardé ces jours-là qu'il devait rattraper, tamam, après la venue de Ramadan, et hatta, comme on a pu le voir, c'est pas ce Ramadan, il n'y a rien qui nous prouve par rapport à cela. Le waqt, il est large, jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est légiféré pour lui de rattraper jusqu'à ce qu'il meure. S'il a fait avant cela, c'est mieux. Mais si jamais il a retardé jusqu'à ce qu'avant il meure, ce sera accepté. Ce sera accepté et il n'aura pas à nourrir des pauvres. Il n'aura pas à nourrir des pauvres, car il n'y a rien qui nous prouve cela. Il n'y a rien qui nous prouve cela. Et la vie de laquelle il est parti, ou plutôt il a évoqué Shir, pour celui qui l'a retardé sans excuse, même, qui doit en plus de cela rajouter nourrir des pauvres, ça, c'est la vie de Naham Kadalika. Ça a été évoqué parmi les Sahaba, d'Abu Huraira et d'Ibn Abbas. Il voit que par rapport à cela, il doit rajouter. Il doit nourrir des pauvres, lakin, as-sahih, c'est la ayah. La ayah, elle ne prouve pas cela. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Il n'a pas été évoqué qu'il doit nourrir des pauvres. Et ça, c'est l'avis de Sheikh Al-Uthaymin et de l'imam Al-Wadi'i. Celui qui retarde Ramadan, celui qui retarde le rattrapage qu'il doit avoir, après Ramadan, il doit juste le rattraper. Il rattrape ce jour-là, il ne doit pas nourrir des pauvres. قال رحمه الله تعالى وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه. Il nous dit quant à celui qui est mort avant que le nouveau Ramadan il est venu. Il nous dit cette personne-là, yani qu'il n'y a personne qui doit jeûner en sa place. تمام. قال فإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. Celui qui est mort, qui a retardé pour cela le Ramadan, lakin avant que l'autre mois de Ramadan y vient, tamam, ils nous disent qu'il n'a rien à rattraper. Lakin as-sahih, c'est que ils doivent jeûner pour lui. Tamam, ils doivent jeûner pour lui. Comme a dit le Nabi sallam, man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu, parce qu'il avait la capacité de pouvoir le rattraper. Mais malgré cela, il n'a pas rattrapé jusqu'à ce que la mort est venue. Il est mort, lakin c'est avant Ramadan. Lakin il doit le rattraper. Plutôt, une personne doit jeûner à sa place. Et ça, c'est recommandé. L'école du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Aisha muttafaqan alayhi, man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyuhu. Celui, lorsqu'il était mort, il avait un siyam à rattraper. Un siyam obligatoire, naam, à rattraper. Ceux qui sont proches de cette personne-là doivent rattraper en sa place, tamam, doivent rattraper pour lui ce siyam-là. Tamam, lorsqu'il dit waliyuhu, certains des personnes disent que yani c'est les personnes qui héritent de cette personne-là, tamam, qui héritent de ces personnes-là. Lakin as-sahih, c'est toute personne qui est proche, tamam, parmi les gens qui héritent de cette personne-là ou bien autre. Yani al-wali, c'est al-qarib. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى est l'allié des croyants. Ils disent quoi? L'allié, c'est celui qui est proche tamam, de la personne dont il est allié. El wali, حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم dit كل مما يليك. Mange yani de ce qui est le plus proche de toi, tamam, le plus proche. Yalik, yalik yani ça vient de wala, ça vient de wala, tamam. Et el wali et yalik, les deux sont dérivés du même verbe qui est wala. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم a dit كل مما يليك. Mange dernier de ce qui est le plus proche de toi. Donc là, ce qui évolue, c'est la personne, les personnes qui sont le plus proche de cette personne-là qui est mort et qui avait un siyam à rattraper. Lakin, est-ce que c'est wajib alayhi? Est-ce que c'est une obligation pour ces personnes-là? As-sahir, c'est que ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé pour lui. Pourquoi? Parce que Nabi Sallam dit daynullah ahaqqu an yuqada. Les dettes qu'on a envers Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire les adorations qu'on n'a pas faites, elles se doivent d'être faites et rattrapées. Donc le fait que Nabi Sallam ait dit ça, il y a une chose dont les proches ils ont la capacité de faire, et c'est recommandé très fortement pour eux de le faire. Tamam. Et l'avis qui nous... Parce que certains disent dernièrement que c'est obligatoire. La Kim, ce qui nous prouve que ce n'est pas obligatoire, la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَا أُخَرَ » C'est-à-dire que si jamais on dit que c'est obligatoire, ça veut dire quoi, comme l'a dit Cheikh Al-Athaym, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire que si jamais ton proche, ou plutôt le proche, il ne jeûne pas pour la personne qui est morte, le jeûne qui devait rattraper, ça veut dire que lui, il sera athaym. Si jamais on dit que c'est obligatoire à lui de rattraper, pour cette personne-là, ça veut dire que s'il ne le fait pas, il est athaym. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? وَلَا تَزِرُوا وَأَزِرَةٌ مُزَا أُخْرَى. Tu ne vas pas porter la charge, jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire porter la charge d'une âme à une autre âme. Donc ça c'est le contrat du Coran. Le fait d'évoquer cela, comme ça a été évoqué je crois par Ibn Hazm, c'est une parole qui est fausse. Pourquoi? Ça vient au contrat du Coran qui dit Allah Azza wa Jal, il ne fait pas porter la charge d'une âme à une autre âme. Donc ceci nous prouve que c'est mustahab, que c'est une chose y en a qui est mustahab, que c'est y en a fortement recommandé. Et qu'à l'écart, y en a dans ces choses-là, c'est-à-dire lorsque tu rattrapes pour une autre personne, tu as la capacité de le faire, y en a, il peut avoir un ta'aw, une entraide, il peut avoir un ta'awun, une entraide par rapport à cela. C'est-à-dire que si jamais vous êtes une trentaine, on dit il a loupé tout le mois de Ramadan. Vous êtes 30 à vous dire, allez, on va jeûner pour cette personne-là. Chacun il prend un jour, et en ce même jour-là, ces 30 personnes ont jeûné. Est-ce que ça suffit pour que de dire qu'ils ont rattrapé pour cette personne-là le mois qu'il avait délaissé, c'est-à-dire cette personne qui est morte? Naam. Pourquoi? Parce qu'ils disent, Yanni, ce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dit quoi? Faidainullah haqqu an yuqda. Il a fait ressembler l'adoration, plutôt les adorations qui ont été délaissées, à la dette, à la dette. Une dette, c'est ma'rouf, c'est-à-dire qu'il a une dette envers Allah Azzawajal. Cette dette-là, c'est ma'rouf, yani, si jamais مثلاً, quelqu'un a une dette envers un autre, d'autres personnes peuvent venir, chacun met un euro, on va dire un euro, il avait 30 euros de dette, chacun met un euro, et ça fait 30 euros. Il dit là, c'est la même chose, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait ressembler, plutôt Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait ressembler, cette chose-là qu'il a délaissée, à la dette. Donc la dette, c'est ma'rouf, chacun yani, peut, l'entraide, aller, la porte de l'entraide, elle est ouverte. La porte de l'entraide, elle est ouverte. Et qu'à tel cas, tu peux le jeûner de manière de jours séparés. S'il avait c'est une personne, elle veut le jeûner de manière de jours séparés, qu'à tel cas, ce n'est pas obligé qu'elle le fasse de manière consécutive. Ce n'est pas obligé qu'elle le fasse de manière consécutive. Et ça peut être qu'à tel cas, une autre personne, même si jamais elle n'est pas proche, si jamais elle veut faire une entraide avec cette personne-là, même si ça ne fait pas partie de ses proches, un ami du proche de celui qui est mort, qu'à tel cas, elle a le droit. Comme tu as tout à fait. Une autre personne qui n'est pas, qui n'a pas de lien de parenté, qui n'est proche de cette personne-là qui est morte, il a tout à fait droit de venir aider cette personne-là qui avait une dette en donnant de l'argent pour le sortir de cette dette-là. Donc, Kada Leka, ici, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que ce manquement-là, il est semblable à la dette. Il est semblable à la dette. Donc, il a le droit de faire avoir une entraide dans ces choses-là. Comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Donc on était où ? قال رحمه الله تعالى وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخره القضاء لغير عذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا يدي. Celui qui est mort, تمام, il avait un jour déjà des jours à rattraper, تمام, et نعم, il avait une excuse par rapport à cela, تمام. إذا كان تأخره القضاء لعذر, تمام, celui qui a retardé le fait de rattraper pour des raisons valables, jusqu'à ce que l'autre Ramadan il est venu. L'autre Ramadan il est venu, lakin avait une excuse valable. Il avait la volonté de rattraper, lakin il avait une excuse qui l'empêchait de pouvoir rattraper ces jours-là. Qaddar Allah ma sha fa'al, Ramadan il est venu, il est mort. Qu'est-ce que on doit faire pour cette personne-là ? Est-ce qu'on doit jeûner à sa place ? Les savants sont tous unanimes que dans ce cas-là, la personne qui est morte et qui n'a pas pu rattraper ces mois qu'il avait, plutôt ces jours qu'il avait loupé jusqu'à ce qu'il est venu en Ramadan lakin pour une raison qui est valable, ils nous disent qu'à partir de ce moment-là, cette personne-là, on ne doit pas jeûner pour lui. Il a une excuse pour cela et le fait qu'il soit excusé par rapport à cela, ça, c'est une dérogation pour les personnes, pour ses proches de, même si c'est recommandé, ils ne doivent pas jeûner. Il y a un ijma' par rapport à cela. Beaucoup de ulama, ils ont évoqué cet ijma'a-là. Donc, la personne qui est morte, jusqu'à ce que Ramadan il est venu, lakin, il a pas pu rattraper pour une excuse valable, tu ne dois pas rattraper pour lui. Tu ne dois pas rattraper pour lui, et ça, c'est l'ijma'a. Tu ne dois rien rattraper. Parce qu'il a une excuse par rapport à cela. Il avait la volonté, et on aurait dit, c'est comme si la volonté, Wallah alam, dans ce cas-là, a remplacé l'œuvre qui était faite. Car Nabi Sassam, il dit, innama l'a'malu bin niyat. Si jamais vraiment la volonté, elle était là, lakin, il y a une excuse qui l'a empêché de pouvoir le faire. C'est-à-dire, si jamais cette excuse-là, elle n'aurait pas été là, cette personne-là, yani, elle aurait fait ces choses-là. Comme il dit, Cheikh Ibn Qayyim, il dit, al-azm, c'est quoi ? L'intention qui est jazima, elle monte à celle de le faire. Là, c'est l'azm, c'est une volonté qui va donner naissance à une action, qui va donner naissance à des œuvres. Donc, cette personne-là, sa niya, c'est comme si jamais elle avait fait cette œuvre-là parce qu'elle a une excuse qui l'a empêchée de faire cela. Si jamais l'excuse n'aurait pas été là, il l'aurait fait. C'est pour ça qu'il nous dit, Cheikh, yani, hafazahullah ta'ala, que cette personne-là, même si jamais elle doit rattraper, elle a une excuse, elle doit avoir la volonté de pouvoir rattraper ces jours-là. De vouloir rattraper ces jours-là. Même si jamais elle n'a pas la volonté, ben là, yani, c'est comme si jamais elle ne voulait pas jeûner, c'est-à-dire qu'elle voulait retarder. Donc elle rentre dans la personne qui avait la capacité de Barshlofikum de pouvoir rattraper ces jours-là, c'est-à-dire qu'on doit jeûner pour lui si jamais il est mort. قال وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. Il dit, si jamais il a retardé le siam sans raison valable, sans raison valable pour cela, après que le mois de Ramadan soit venu. Après que le mois de Ramadan, le nouveau, soit venu, il n'avait aucune excuse pour cela. Il pouvait rattraper lakin. Il n'avait aucune excuse pour cela. Il nous dit que les proches de cette personne-là qui est morte, elles doivent donner une kafara, une expiation, une compensation pour cela, et elles doivent sortir, elles doivent nourrir des pauvres. Elles doivent nourrir pour chaque jour un pauvre, pour chaque jour qu'il a loupé, un pauvre. Lakin, ce cet avis là, ce cas-là, c'est un avis qui n'est pas sahih. C'est un avis qui n'est pas sahih. Ils disent qu'ils ne doivent pas jeûner, lakin ils doivent nourrir des pauvres. Lakin, ça c'est pas sahih, il n'y a rien qui nous prouve cela. Mais au contraire, le Nabi sallam, il a dit quoi? Man mata wa alayhi siyam aw sawm fa sama anhu waliyuhu. Celui qui est mort et qu'il avait un jeûne à rattraper, t'as un jour de jeûne à rattraper, les personnes qui lui sont proches, ils doivent le rattraper pour lui, c'est-à-dire c'est recommandé pour eux. Donc le Nabi sallam, il n'a pas évoqué pour eux de donner en compensation de cela, de nourrir des pauvres. Et dans les cas, certaines personnes, ils ont dit que tu dois ni rattraper et ni rien faire. Il dit pourquoi? Parce qu'il est mort. Et lui, Nabi sallam, ou plutôt Allah azza wa jalla, dit wa illa yusalli insan illa ma sa'a. Ceux qui ont pris cette parole-là pour dire que tu dois rien faire pour lui. Pourquoi? Parce que l'œuvre par laquelle il va bénéficier cette personne-là, c'est l'œuvre que lui l'a fait. Wa illa yusalli insan illa ma sa'a, comme Allah subhanahu wa ta'ala. La personne sera récompensée par rapport aux œuvres qu'elle a faites. Ils disent là, c'est pas une œuvre qu'elle a faite, donc elle sera pas récompensée. Lakin, alhamdulillah, comme a dit l'imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il dit na'am sahih. C'est comme vous, comme Allah, azza wa jalla, il a dit, comme vous le dites. La personne, elle sera récompensée que ce qu'elle a fait. Lakin, une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont légiféré qu'elle sera bénéfique pour une autre personne, c'est qu'elle sera bénéfique pour une autre personne. Donc il dit ce hadith-là, il doit être mis en application et établi. Donc ceci nous prouve qu'ils peuvent bénéficier d'une œuvre qui ne vient pas de eux, à partir du moment qu'Allah Azza wa Jalla il a légiféré cela. Amma, si jamais il n'y a rien qui nous prouve cela, il ne pourra pas bénéficier. Kadhalika, ils ont pris aussi comme hadith pour dire que tu ne dois pas jeûner pour lui. Hadith Nabi sallam dans lequel il dit إذا مات ابن آدم إن قطع عنه عمله. Il dit lorsque ibn Adam, le fils ou un de la descendance d'Ibn Adam, il meurt, tamam, ses œuvres sont interrompues. Il dit ses œuvres sont interrompues. Kadhalika, ils disent que certes, il y en a, ses œuvres sont interrompues, lakin, l'œuvre qu'on fait pour lui, elle n'est pas interrompue. L'œuvre qu'il a fait pour lui, elle n'est pas interrompue. Et même si jamais on laisse entendre que ce hadith-là, il est global, tamam, c'est-à-dire que son œuvre, elle est interrompue, il y a, on dira du hadith dans lequel il est dit « Man mata wa alay siyam, sama anhu wa liyuhu », tamam, c'est une preuve qui vient quoi? Qui vient spécifier ce hadith-là. Tamam. Elle vient la spécifier. C'est comme s'il était dit que celui qui est mort, tamam, ses œuvres sont interrompues, excepté si jamais il avait un jeune à rattraper et qu'une personne de ses proches l'a rattrapé pour lui. Tamam. D'autres encore, qu'à lesquels ont pris comme hadith, pour dire que tu peux nourrir, ils disent que Ibn Abbas et Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, ils sortent, ils voyaient qu'il fallait donner une kafar, c'est-à-dire de nourrir. En compensation de cela, des jours qu'il a loupé, celui qui n'avait pas d'excuse et qui l'a retardé après Ramadan, et qui est mort après Ramadan, et qui n'avait pas d'excuse pour cela, ils disent qu'ils doivent nourrir en compensation de cela. Ils disent, ces deux rapporteurs-là, ce sont les rapporteurs, Aïcha et Ibn Abbas, radiallahu anhum, ils nous disent que c'est les rapporteurs qui ont rapporté le hadith dans lequel Nabi Sassam dit que celui qui est un jeune, ils doivent le rattraper, et que les dettes d'Allah, elles sont plus en droit d'être. Elles sont plus en droit d'être rattrapées. Ils nous disent donc le fait qu'ils ont donné comme fatwa que tu pouvais nourrir des pauvres, ils disent donc ça nous prouve que ce qu'ils ont rapporté, ils ont vu qu'en vérité il y avait une chose. Ils ont vu qu'en vérité c'était pas ça, l'année qui était voulu. Et c'est ma'rouf, lorsque un sahabi il attribue une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit cela. Et ensuite, ce même sahabi qui a rapporté ce hadith-là, il fait une chose qui est contraire au hadith qu'il a rapporté. Et nous dit l'imam ibn al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit Lana ma rawa wa la ma ra'a. On doit prendre ce qu'il a apporté et attribué au Prophète sallam, et ne pas prendre ni ce qu'il a vu comme lui, comme point de vue. Parce que ça peut être un effort d'interprétation, quand même. Ça peut être un effort d'interprétation, ça peut être qu'il a oublié le hadith, parce que ce n'est pas le fait que tu apprends une chose et que tu n'as pas oublié. C'est arrivé même à Omar, radiallahu ta'ala anhu, qu'il a voulu lapider une femme qui était majnoun, une femme qui avait fait zina, qui était majnouna, qui était possédée. Il a voulu la lapider. La kien, c'est ma'raf, celle qui est possédée, elle n'a rien, on ne doit pas la lapider. Ali est venu, il lui a dit Ma dhanbu, ou ma alay al majnouna, an tujlat. Il a dit La alayha shay. Il a dit pourquoi on doit lapider la personne qui est possédée. Il s'est rappelé à ce moment-là. Ibn Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il a dit Naam. Elle n'a pas à être lapidée et la laisser. Donc, le sahabi, il peut oublier. Donc, si jamais il rapporte une chose du prophète sallam, ensuite il fait une chose qui est contraire, une fatwa qui est contraire, sa fatwa là on ne la prend pas et on prend ce qu'il a attribué au prophète sallam, car c'est possible qu'il a oublié, c'est possible, il a khiri, il y en a d'autres choses, il y en a qui prouvent, il y en a que, qui vont précéder la parole de Hafiz ibn Hajar, qu'on doit prendre la chose qui est attribuée au prophète sallam, et non pas les points de vue des sahaba. قال رحمه الله تعالى وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم الكفارة الظهار وصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. Il nous dit celui qui meurt et qui est mort, il devait jeûner un autre jeûne, مثلاً, un jeûne d'expiation, comme c'est le cas de celui qui a consommé les rapports pendant la journée de Ramadan, si jamais il n'a pas la capacité d'affranchir l'esclave, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et ça, c'est un jeûne qui est obligatoire. Si une personne a là un jeûne à faire, ou bien le jeûne qui est dans kefarat dhihar, c'est-à-dire lorsque tu, tu dis que ta femme, elle est comme le dos de ma mère, comme c'est marou, c'est des choses pour dire, en gros, tu m'es plus licite. Ces personnes qui disent ces choses-là, ils doivent jeûner kaza les cas, 2 mois consécutifs, qu'il m'a Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتهم من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. Donc dans cette aya là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que pour les personnes qui ont dit que ma femme elle est comme le dos de ma mère, il doit libérer un esclave. S'il n'a pas la capacité, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Donc ces personnes là qui ont des jeûnes à jeûner, si jamais ils meurent, qu'est-ce qu'il en est? Il nous dit qu'à Dalekas, c'est le même jugement de nourrir des pauvres. Et la kin, c'est ma'rouf. Ce corps-là, qu'à Dalekas, n'est pas à prendre en considération. Car la parole du prophète qui dit Man mata wa alayhi sawm, sawma anhu waliyuhu. Celui qui est mort, il avait un jeûne à faire. Ses proches, il est recommandé à ses proches de jeûner, de rattraper le jeûne qu'il avait lui-même à faire. Donc ce hadith-là, il est global. Pour les jeûnes de Ramadan, et pour tout jeûne qui est obligatoire. Pour tout jeûne qui est obligatoire. قال فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. Il dit qu'il doit nourrir des pauvres. Lakin ce hadith-là, il n'y a aucune chose qui prouve cela. قال ولا يسمع عنه. Ils ne doivent pas jeûner en compensation de cela. Et ça, il y a une preuve qui prouve cela. Donc ce hadith, cette parole-là, elle est à rejeter. قال ويكون الإطعام من تركته لأن الصيام لا تدخل النيابة في الحياة. كذا بعد الموت وهذا قول أكثر أهل العلم. Il dit pourquoi il doit nourrir des pauvres et ne doit pas jeûner. Ce qu'il nous dit, As-Siyam, tu n'as pas la capacité, مثلاً, lorsque la personne elle est en vie, de pouvoir jeûner à sa place. Celui qui est en vie, tu ne peux pas jeûner pour lui. Tu ne peux pas jeûner pour ton frère le jour de Ramadan. Et tu peux non plus, kadhalika, pas jeûner pour ton frère qui est vivant, de jeûner un jeûne dans lequel il a fait un vœu. Il a dit, il s'est fait un vœu à lui-même de quoi? Un vœu à Allah Azzawajal de jeûner. Tu ne peux pas jeûner à sa place. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il dit, kadhalika, il dit, les ibadah, dans lequel tu ne peux pas remplacer ton frère lorsqu'il est vivant, il dit kadhalika lorsqu'il est mort. Là, il y a un hadith, ça c'est du haql. Ils ont fait précéder leur haql, ils ont oublié quoi? Le naql, ils ont oublié le texte. Ils ont fait précéder la raison, ils ont oublié le texte. Nabi Sallam, il dit, man mata wa alayhi siyam wa alayhi sum, man mata wa alayhi siyam, sum anhu walihu. Celui qui a un jeûne à rattraper, un jeûne obligatoire à rattraper, et qu'il est mort, ils disent que yani, celui qui est proche, il doit le rattraper. Celui qui est proche, c'est recommandé pour lui de le rattraper. Donc ce hadith-là, il est global. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on ne doit pas le rattraper? Ça, c'est un qiyas qui est plutôt un effort d'interprétation qui est faux. Et c'est ma'rouf, hatta il le dit, Cheikh Al-Fawzan, tu ne peux restreindre un hadith que par la raison, tu ne peux pas. Le hadith, tu dois le restreindre par la parole d'Allah Azzawajal ou bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le cas ici. Donc le hadith, il reste yani, global sur toutes les sortes de siyam qui sont obligatoires. Que ce soit siyam lorsque tu dis ta femme, elle est comme le dos de ta mère. Ou que ce soit yani, lorsque tu te fais un vœu à Allah Azzawajal de jeûner. Et là, tous les genres de sortes de siyam qui sont obligatoires, si jamais la personne elle est morte avant qu'elle la rattrape, ceux qui sont proches, il est recommandé pour eux de jeûner. قال وإن مات من عليه صوم النذر استحب لوليه أن يصوم عنه لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام النذر أفأصوم عنها؟ قال نعم والولي هو الوارث. إن دي شيخ حفظه الله تعالى quant à la personne qui a fait un vœu de jeûner. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le vœu, la chose dont tu as fait le vœu, ça devient une obligation. Ça devient une obligation. Il dit, si jamais tu as fait un vœu À partir de ce moment-là, na'am, il est recommandé à ceux qui sont proches de toi, si jamais tu es mort, de rattraper le jeûne que tu n'as pas fait. Car il nous dit qu'une femme est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ma mère est morte et elle avait un jeûne à rattraper dans lequel elle avait fait un vœu de jeûner. » Elle lui a dit « Est-ce que je jeûne à sa place ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oui. » Et il nous dit « Cheikh, yani al-wali, c'est celui qui est proche, yani c'est celui qui est, c'est ses héritiers. C'est ses héritiers qui doivent naham jeûner à sa place. » Donc dans ce hadith-là, il y a deux compréhensions qui sont fausses. La première, c'est de restreindre la recommandation de jeûner à la place de celui qui est mort et qui avait un jeûne à la personne qui a jeûné, qui s'est mis une obligation de jeûner par un vœu. Ça, c'est faux. Parce que le Nabi Sallam, il n'a pas dit celui qui est mort et qui avait un jeûne dans lequel il a fait un vœu. Il n'a pas dit ça. Il a dit celui qui a un jeûne à rattraper. Un jeûne qui est obligatoire à rattraper. Ceux qui sont proches, il est recommandé pour eux de le rattraper. Et même si jamais le hadith, il est venu dans un contexte dans lequel la question elle a été posée sur une personne qui a fait un vœu, al-ibara bi'umum al-lafz, la bi'khusus al-sabab. Al-ibara, c'est ma'ruf, c'est une qaïda qui est ma'ruf chez eux. Ils disent, yani, qu'est-ce qui est considéré? C'est la globalité du texte et non pas na'am, wala khusus al-sabab, et non pas la cause pour laquelle yani, cette chose-là elle a été évoquée. Là, le hadith et le hukm de juger, de jeûner pour une autre personne, il a été évoqué par quelle cause? Par la question qui a été posée à d'une femme qui a dit que ma mère est morte et elle avait un jeûne obligatoire dans lequel elle a fait un vœu. Ça, c'est la cause. La globalité, c'est quoi? C'est que Nabi Sassam, il a dit man mata wa alayhi sawm sawm anhu waliyuhu. La globalité dans le texte, c'est quoi? C'est que Nabi Sassam, il a dit celui qui est mort, celui qui est mort et qui a un jeûne à rattraper, il est recommandé à ses proches de le jeûner. Donc ils nous disent, levez la main, lorsque un texte il est venu pour une cause qui est bien précise, tu ne dois pas prendre en considération cette cause qui est bien précise afin de restreindre le texte. Non, tu prends le texte dans sa globalité et tu ne prends pas en considération la cause pour laquelle il a été quoi, évoqué. Comme c'est le cas d'ici, eux, ils veulent nous faire comprendre que c'est restreint au siyam dans lequel il a été fait un vœu. Non, le texte il est beaucoup plus global. Ensuite, il nous dit, حفظه الله تعالى, قال ابن قيم رحمه الله تعالى, يصم عنه النذر دون الفرض الأصلي. Il nous dit qu'il a pris la parole d'Ibn Qayyim pour l'avis qu'il a évoqué avant. Il dit, Cheikh, plutôt l'imam Ibn Qayyim, que le jeûne il doit être jeûné pour la personne qui a fait un vœu. Amma, les obligations, ou plutôt les jeûnes qui sont obligatoires en dehors des vœux, ils nous disent que tu ne dois pas rattraper. Pourquoi? Il dit, وهذا مذهب أحمد وغيره. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et d'autres. Que tu dois jeûner que si jamais c'est un vœu. Tu dois jeûner pour lui que si c'est un vœu. Quoi, le wal mansous an ibn Abbas ou Aïcha? Kazalika, comme on l'a pu l'évoquer auparavant, c'est l'avis de ibn Abbas, Kazalika et de Aïcha. Radiallahu anhum alakin. Comme on a dit, on prend ce qu'ils ont rapporté, on ne prend pas ce qu'ils ont vu. Quoi, la huwa muqtada al-dalil wal-qiyas. Il dit ceci, c'est ce qui, cet avis-là, il est prouvé par un dalil et par Kazalika, al-qiyas, l'analyse analogique. Quoi, la liana al-nadr laysa wajiban bi asli ashar. Il dit, un nadr, le vœu, ce n'est pas une chose qui est obligatoire, il n'y a ni à la base dans la religion. Il dit, c'est cette personne-là qui s'est à lui-même mis une obligation, et il nous dit, yani, le vœu, il est tel à la dette. Il est tel à la dette. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une ressemblance entre ce jeûne-là qui est fait avec un vœu à la dette. Pourquoi? Parce que à la base, il nous dit la dette, kazalika, à la base, elle n'est pas obligatoire. Lakin, lorsque tu prends, ou plutôt, lorsque tu demandes de l'argent, ce n'est pas obligatoire. Lakin, lorsque tu prends de l'argent à quelqu'un, tu es obligé de lui rendre. Il dit c'est la même chose. Lorsque tu fais un vœu, tu es obligé de quoi? D'appliquer le vœu que tu as fait. Qala, wa amma as-sawm alladhi faradahu Allah subhanahu wa ta'ala ibtida'an fa huwa ahadu arkan al-islam. Fala tadkhuluhu an-niyaba bihal. Il dit quant à les obligations, les jeûnes, comme le siyam de Ramadan, il dit c'est une chose qui est obligatoire, yani, à la base, au contraire du vœu. Et il nous dit, yani, ça fait partie des piliers de l'islam et des choses dont on ne peut pas faire entrer des remplaçants dedans. Qala kama la tadkhulu as-salat wa ash-shahadatayn. Il dit, kazalika, tu ne peux pas remplacer quelqu'un dans son attestation de foi. Et kazalika, dans la salat, tu ne peux pas prier à sa place. Il nous dit, c'est la même chose avec quoi? Yani, as-siyam, comme la yoke shir, yani. حفظه الله تعالى فإن المقصود منه طاعة العبد بنفسه. Lorsqu'il, qu'est-ce qu'il voulait dans ses ordres d'adoration, il nous dit c'est que lui-même il fait cette adoration. قال وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها. Et le fait qu'il s'en tienne à libérer sa conscience des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour laquelle Allah azawajal, il a créé et lui ordonné. قال وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. Il dit personne d'autre ne peut remplacer cette personne-là dans ces choses-là, comme il y a une personne ne peut prier يعني pour cette personne-là. لكن comme on a pu le voir, العبارة بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Donc ce qui est pris en considération, c'est la globalité du texte et non la cause pour laquelle il a été évoqué. Ça c'est معروف حتى ابن القيم c'est une قاعدة qui est معروف عنده et qu'il évoque beaucoup même حتى dans l'Ilam al-Muwaqqi'in. Donc cette déduction là qu'il a eue, même si jamais elle a une quwwa, elle a une position, elle a un poids dans la balance, lakin yani al-hadith il reste tel quel, il est ram dans tous les jeunes que qui sont obligatoires, tamam. Et c'est معروف حتى قال يعني احد مشايخنا, un de nos cheikhs nous a dit, quatre personnes lorsqu'ils parlent, même si jamais ils ont un avis qui est pas juste, ils vont tellement l'argumenter d'une manière que tu vas te trouver yani dérouté. Tu sais même plus où t'habites. Tellement ils vont argumenter d'une manière que il va mettre cet avis en vérité qui est faux. Tamam, il va faire comme si jamais il était vrai. Tellement il va tellement l'argumenter d'une manière qui est forte que même l'avis qui est faible, il va le faire comme si jamais il était quoi ? Il était fort. Ces quatre ulama-là sont Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ash-Shawkani, rahmatullah alayhi, Al-Imam Ibn Qayyim, ou Al-Imam Al-Albani, rahmatullah alayhi majma'in. Ces personnes-là, lorsqu'elles évoquent une chose, un avis, même si jamais il paraît faible, tamam, nous on pense qu'il est faible, il va tellement l'argumenter d'une manière que cet argument-là, il va être quoi ? Yani, il va avoir un poids dans la balance. Donc Ibn Qayyim, il a certes bien argumenté cela, lakin il faut rester serein et sur ses bases, et sur les choses, yani, tes acquis dans ta religion, et tes bases sur lesquelles tu bases, tu as fondé tes compréhensions. Ma'aruf, yani, al-ibara bi khusus, lays al-ibara bi khusus al-sabab, lakin al-ibara bi umum al-lav. Ce qui est pris en considération, c'est la globalité du texte et non pas la cause pour laquelle elle a été évoquée. Par exemple, il y a un insan ou akthar shay'in jadala. Lorsque Nabi Sufam est venu, il a dit à Ali ibn Abi Talib, yani, c'est mieux pour vous de prier. Ils ont dit, yani, notre âme est entre les mains d'Allah Azzawajal. S'il veut, il nous la redonne et on se lève pour prier. Ou bien s'il veut, on ne se lève pas. Faqan Nabi Sufam l'a tapé sur ses cuisses à ce moment-là. Il a dit, wa kana al-insan ou akthar shay'in jadala. L'homme, il aime trop délibérer. Cette ayah-là, elle est descendue sur quoi ? Sur les kuffars. Si jamais on prenait la compréhension, si jamais on faisait comme eux, là, c'est-à-dire que cette ayah-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser que sur les kuffars. Pourquoi ? Parce que la cause pour laquelle elle a été descendue sur un kaf, pour les kuffars. C'est-à-dire que tu peux utiliser que cette ayah pour les kuffars. Non, Nabi Sassam, il a utilisé cette ayah-là parce qu'elle est âme, elle est globale. T'as son sens, il est global. Même si la cause pour laquelle elle a été descendue, c'est pour un kafir, lakin, son sens est global. Il a utilisé sur qui ? Ali ibn Talib. Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Talib, c'est khulafa min al khulafa al rashidin al mahdiyin, et c'est pas un kafir. Donc le fait que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam il a utilisé cela, les ulama ils ont pris de ce texte là, que al-ibara bi khusus, laysa al-ibara bi khusus al-sabab, lakin al-ibara bi umum al-lafz. La considération et les textes yani, qui sont globales et non pas les causes pour lesquelles ils ont été évoqués. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc on poursuit la lecture pour finir. قال ويطعم عنه كل يوم مسكين. يعني c'est la même parole que l'imam ibn Qayyim. قال وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما. Il dit yani, donc ceux qui ont laissé des jeûnes qui sont obligatoires en dehors des vœux. Il dit que pour ces personnes-là, ils doivent nourrir des pauvres. Lakin, comme on a pu le voir, il n'y a aucune preuve qui prouve cela. قال وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر. Il dit, ça, yani, c'est le aql, yani, la raison approuve cela, et كذلك, les dalils approuvent cela. Lakin, il n'y a aucune preuve. قال فإن النظر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. Il dit, un nazar, le fait de faire un vœu, il dit, yani, il reste attaché à la conscience de cette personne-là même après qu'il est mort. قال أما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه بل أمر العاجز بالفدية طعام المسكين والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عاجز عنه فليحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد أما صوم للنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بخلاف Bila khilaf, de la hadith al-sahiha. Donc, yani, tout ce qui a pu évoquer Cheikh l'Islam, là, c'est pour ça que je n'ai pas pris la peine de traduire, même tout ce qu'il a pu évoquer, c'est à peu près la même parole qu'Ibn Qayyim. Yani, en résumé, c'est que al-nadr, le fait de faire un vœu, c'est une chose qui reste yani, établie dans la conscience, sur la conscience de cette personne-là, même après sa mort. Il dit, amma, le fait de jeûner, t'as un ramadan, si jamais tu le délaisses, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné et tu ne peux pas rentrer des remplaçants dedans et ceci, cela. Il n'y a rien qui nous prouve salat. Hein. Tout ça, c'est des déductions yani, de la raison. Il n'y a rien qui nous prouve cela. Nous, on veut des dalils. Le dalil, tu ne peux le restreindre, tu ne peux le restreindre que par notre dalil. Man mata wa alayhi siyam sama anhu walihu. Celui qui est mort et qui avait un jeûne à rattraper, il est préféré pour celui que pour ceux qui sont proches de la rattraper. Donc, on va récapituler un peu, Inch'Allah. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que ceux qui doivent rattraper, c'est les personnes qui ont une raison valable. Aslan. Ceux qui n'ont pas de raison valable, ils doivent se repentir vers Allah Azzawajal et faire beaucoup d'œuvres sur le rogatoire. Et il est préférable pour cela qu'ils s'empressent, qui se pressent de rattraper ces jours-là et de les faire de manière kazalika consécutive, comme on a pu le voir. C'est mieux pour lui. Le temps qui est pour lui, Inch'Allah, légiféré pour rattraper, c'est toute sa vie. Ça, c'est le temps qui est légiféré. Mais le mieux, c'est de le faire le plus vite possible, parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Ensuite, on a pu voir que si jamais il meurt et il a repoussé le fait de rattraper ces jours-là, pour une raison qui est valable, jusqu'à ce que Ramadan, il est venu. Jusqu'à ce que Ramadan, il est venu, cette personne-là, on ne doit pas jeûner pour lui. Ça, c'est bilijmer. Ça, c'est bilijmer. Si jamais maintenant, il avait la capacité de rattraper, et qu'il ne l'a pas fait, que ce soit avant que Ramadan y vienne ou bien qu'après Ramadan y vienne, il doit rattraper, ou plutôt ses proches, c'est recommandé pour eux de rattraper. Et ce qui est voulu par le wali, c'est les proches et non pas les héritiers. C'est les proches et non pas les héritiers. Car à partir du moment, ça c'est une qa'ida kadhalika qui est évoquée dans les usul al-fiqh, à partir du moment qu'un mot il est large, un mot il comporte beaucoup de sens. Tu ne peux pas restreindre un de ses sens à un autre que par un dalil. Si jamais il n'y a pas de dalil pour cela, tu dois prendre le texte dans la globalité, c'est-à-dire tous ceux qui sont proches, que ce soit ses amis, que ce soit sa famille, que ce soit Ilahi, tous ceux qui sont proches. Ça veut dire que ça englobe tous les mots. Ah, mais si jamais tu dis que c'est ses héritiers, on va dire, mais le wadi, c'est kataleka, tu peux dire dans un rabat pour celui qui est proche. Donc comment, par quelle preuve tu as pu juger que c'est l'héritier et pas ses proches? Tu n'as pas de preuve. Donc laisse le texte qu'il y a comme il est. Comme ça, tu es sûr que tu n'as pas commis de restriction au moment où il ne fallait pas. Ça c'est marouf et c'est évoqué par l'imam Abu Ishaq al-Shirazi, un des imams du Madhab al-Shafi'i dans son livre Al-Luma'. C'est un livre dans Usul al-Fiqh. Et on a pu voir qu'il ne faut pas, tu n'as pas à nourrir en aucun cas. À nourrir. En aucun cas, tu dois nourrir. Que ce soit la personne qui est âgée, que ce soit la personne qui n'a pas la capacité, ceci et cela, tu dois nourrir, ça n'existe pas. Dans l'islam, nourrir en compensation d'un jour que tu n'as pas fait, ça n'existe pas dans l'islam. Il n'y a aucune preuve qui prouve cela. La preuve qui prouve cela, elle a été abrogée par la parole d'Allah Azzawajal. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est présent au moment où le mois de Ramadan il vient, il doit jeûner. Il n'a plus le droit de, en compensation de cela, de nourrir un pauvre. Voilà à peu près, il y en a autour de quoi à tourner le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, en espérant qu'il soit profitable pour vous, pour l'islam ou les musulmans. Et Inch'Allah, Radal Inch'Allah, on va tenter de finir le cours, plutôt les autres pages, car on va voir, c'est une chose qui se répète qu'on a pu évoquer avant. T'as le chapitre, ça va sur l'année. La personne qui est âgée ou bien qui est malade, la personne qui est âgée et qui est malade, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Celui qui est malade, il rattrape, et celui qui est âgé, il n'a rien à faire parce qu'il n'a pas la capacité. Ça, c'est le résumé vraiment de ce que, Inch'Allah, on va évoquer demain. Donc là, il a tardé un peu parce qu'il y a un khilaf dans cette masala, il y a une divergence. Une divergence, Inch'Allah, qui n'a pas lieu d'être. Donc ça va être facile, ça va être simple, Inch'Allah. Donc voilà, Inch'Allah, s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a pu voir, sinon, Inch'Allah, on se quitte sur cela. Inch'Allah, on se quitte sur cela. Et jazakumullah khairan ala sabr. Et Inch'Allah, demain, on essaiera de conclure le cours. Salam alaikum wa rahmatullah.